Voici, en une heure environ, de larges extraits du roman de Jules Verne, publié en 1865, intitulé « Autour de la Lune ». Choix des textes, résumé et enregistrement, Jean-Paul Alexis, octobre 2021.